Je m'appelle Oxy, j'habite à des années-lumière sur la planète Tonki. Quelque part dans l'univers, je suis en visite ici sur votre belle terre, voir comment cette planète vit, ainsi que leur propriétaire. J'étais très surpris de voir autant de guerres juste pour se faire du profit, pour une histoire de frontières, tuer des innocents ainsi, en envoyant vos militaires qui, pour l'amour de la patrie, assassinent des enfants et leur mère. Dans ce monde idiot, notre monde s'est en train de matérialiser, les gens sont devenus heureux.